une excuse, mais je vais partir avant l'heure. Plus rien à foutre de toutes vos peurs. Et vos prisons pourront toujours attendre. Ce n'est pas des murs ni des barreaux, ni des idéaux qui pourront me contraindre à me faire la peau, qui pourront me contraindre à éliminer ce que je vaux. J'ai plus besoin d'amour, j'ai plus besoin de vos discours, j'ai plus besoin de vivre, toujours en sous-vivre. Mes excuses, je vais partir avant l'heure. Moi la vie, je la vois comme une ennemie. Y'a plus grand chose à faire, ni même plus rien à découvrir. Tout ce que j'aimais, toute la beauté de la vie, tout a disparu de mon point de vue. Y'a plus grand chose à dire, ni même plus grand chose pour me faire rire. L'illusion, j'en ai traversé son fossé. La raison, à quoi bon se faire chier. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais je vais partir avant l'heure, mille excuses, mais plus personne n'aime la douleur. Y'a plus ces cerfs-volants qui grésillaient sur la plaine. Y'a plus que des coléoptères qui cherchent à monter en bas vers la lumière. Mille excuses, mais je vais partir avant l'heure. Mille excuses, je suis rempli de poison. Mille excuses, je vais partir avant l'heure. Mille excuses, j'ai pas envie de perdre la raison.